meilleur, je veux pas ton feedback. Petite fact, je t'ai pour une pute fesse, à pour la fun, d'elle m'a un cheap ass. Qu'est-ce qui se passe quand ta voix sa haute basse est aussi black? C'est lui qui rit, slash blab, passe à ramasser des caps. Tu bégayes, c'est peut-être parce que chez Slice, c'est la vie village. Esthétique, sort de ta vie mirage, je détruis le visage qui nuit l'image de ton petit village. C'est mon territoire, t'as des problèmes de délimitage. T'aurais peut-être des chances si c'était au hasard, la crosse se fait. Mais si c'est un tirage que tu veux, j'ai mon globe de prêt. Toi, te rendre au sommet, je vais t'en apprendre si tu penses avec ta peau collée. Bon, pis t'exploses, traite là, t'es tout rouge. Qu'est-ce que toi si je te fesse trop? J'aime ça, un mess trop, stress pas.